Oscar le parieur, par Jules Moineau. La mère d'Oscar, 2 mois avant qu'il vînt au monde, avait parié pour une fille, par cette unique raison qu'on croit toujours ce qu'on désire. Elle perdit son pari. Son désir déçu n'étant autre chose qu'une envie non satisfaite, l'enfant fut marqué, comme il advient généralement, et les premiers mots qu'il balbutia furent cette réponse à sa mère qui lui demandait, en lui montrant un objet enveloppé, « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour Cacard ?»« Je parie que c'est du bonbon. » C'était un joujou. Oscar commençait comme il devait finir. Toute sa vie, ce garçon eut la manie du pari et la bosse du guignon, si bien qu'à un âge très avancé, il paria qu'il vivrait 87 ans et mourut à 86. On s'étonnera certainement d'un pari sans résultat pour lui s'il l'eût gagné, puisqu'il lui fallut être mort pour en recueillir le bénéfice. Mais on est parieur ou on ne l'est pas. Et si on l'est, on parie moins pour le gain que pour la gloire. Un homme qui a passé sa vie à perdre cette variété du jeu aurait dû être heureux en amour. La vérité est que sa réputation de joueur le fit conduire par 7 ou 8 paires de filles à marier, ce qui nous prouve bien que si on s'en rapportait au proverbe, on cirerait soi-même ses parquets et on ramonnerait ses cheminées pour dire, avec la sagesse des nations, qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais comme il faut pourtant faire une fin, Oscar, arrivé à l'âge de 56 ans, se décida pour une riche veuve qui avait vu fleurir 43 fois les lilas. Malheureusement, il apprit un jour qu'il avait un concurrent, un nommé Pontochou. Une explication eut lieu entre les deux candidats à la main de Madame Flanquin, la veuve à consoler. Pontochou déclara hautement que ses affaires étaient en bonne voie. Oscar affirma que les siennes n'y étaient pas moins. Pontochou alors de s'écrier « Eh bien, monsieur, nous réglerons la question sur le terrain. » Oscar se mit à rire. « Un duel. À notre âge. Pour une veuve de 43 ans. Ce qu'on nous blaguerait. Passe encore si nous en avions 25 et si l'amour était de la partie. Mais ni vous ni moi ne sommes amoureux. Nous avons un tel âge où l'isolement devient pénible. Nous avons des rhumatismes. Je n'en ai pas. » Interrompit Pontochou. « C'est un avantage que vous avez sur moi. J'en ai d'autres. » « Eh bien, tenez, vous indiquez vous-même le terrain du seul combat possible entre gens d'esprit. Expliquez-vous, monsieur. » »« Je m'explique. Ces avantages que vous avez le bonheur de posséder, servez-vous-en pour l'emporter sur moi. De mon côté, j'agirai de mon mieux pour vous supplanter. Faisons-nous la guerre, mais la bonne guerre, la guerre loyale. Pas de trahison, pas de piège, pas de calomnie. Je vous tiens pour un galant homme. Je vous demande d'avoir de moi la même opinion et de reconnaître que le moyen que je vous propose vaut mieux que celui qui ferait rire à nos dépens les lecteurs de journaux. » Cette réflexion frappa Pontochou. « Au fait, dit-il, vous avez peut-être raison. Alors, c'est convenu ? C'est convenu. Il est bien entendu que nous ne nous trouverons jamais ensemble chez notre veuve. Excepté à ces soirées. Naturellement. À quelle heure vos visites ? À 3 heures. Très bien, je me présenterai à 4 heures. Au revoir, cher monsieur Pontochou. Enchanté d'avoir fait votre connaissance, ravi d'avoir fait la vôtre. » Il ne leur manquait plus que de faire celle du capitaine en retraite Brabançon, chevalier de la Légion d'honneur qui les avait devancés dans le désir de succéder à Feu Flanquin, ce qu'ils apprirent plus tard, comme on le verra tout à l'heure. La veuve Flanquin était une excellente femme, rieuse, bout en train, indulgente, dès lors ennemie de la médisance et des cancans, en quoi il y avait eu incompatibilité d'humeur entre elle et son mari, homme tatillon, potinier, tenace sur les détails oiseux, et qui, sans méchanceté aucune, eût fait de sa compagne une cliente de M. Pasteur si elle eût le système nerveux impressionnable. La fin prématurée de ce tourmenteur inconscient ne pouvait guère donner à l'admiration du monde une nouvelle veuve Mozole, ce larmoyant modèle de douleur opiniâtre et de deuil obstiné. Et le capitaine avait remarqué avec plaisir que la survivante n'avait conservé comme souvenir du défunt que son rasoir. Elle avait beaucoup ri de cette remarque, car elle n'avait jamais songé, en gardant cette relique, à l'allusion qu'on en pourrait tirer et que Brabançon avait pu se permettre, comme ayant reçu de la veuve, sinon un assentiment à ses propositions matrimoniales, que la journée a une plus parfaite connaissance, du moins beaucoup d'espoir et la permission de faire sa cour. Aussi, quand un jour Oscar et un autre jour Pontochou se déclarèrent à leur tour à la veuve, celle-ci put leur répondre que bien que libre d'engagement, elle ne devait pas leur dissimuler que sa main était déjà recherchée, de sorte que lorsqu'ils se rencontrèrent et découvrirent leur rivalité, Oscar crut, tout naturellement, que la veuve avait fait allusion à Pontaut-Choux, et celui-ci, qu'elle parlait d'Oscar, et comme avec son excellent cœur, la bonne Flanquin n'avait pas eu le courage de leur ôter toute espérance, ils avaient pu se dire mutuellement et avec conviction que leurs affaires étaient en bon chemin. « Pas de trahison, pas de perfidie. Nous ne ferons que des choses de bonne guerre. » Telles étaient, on se le rappelle, leurs conventions. Acheter la femme de chambre pour qu'elle surveillât les visites des deux Ribaud et leur en rapporta les détails, il n'y avait là aucune infraction à l'engagement pris. L'honnête fille reçut donc des deux mains, écouta aux portes et rapporta en conscience ce qui s'était passé. Oscar fut mis ainsi chaque jour au courant des faits et gestes de Pontaut-Choux, lequel fut également informé des faits et gestes d'Oscar. Quand celui-ci avait, la veille, offert à la veuve un faisan qu'il avait, disait-il, tué lui-même, l'autre envoyait un superbe brochet, provenant, disait-il, de sa pêche. Bref, chacun d'eux avait quotidiennement une nouvelle attention à son actif, ce qui ne changeait absolument rien à leur situation respective. S'étant rencontrés à une soirée donnée par l'objet de leur mutuelle convoitise, soirée ayant pour but une surprise réservée par l'hôtesse à ses invités, ils causèrent de leur situation et furent d'accord pour reconnaître qu'il fallait en finir ce soir-là même. « Mais comment ?» demanda Pontaut-Choux. Oscar, que sa manie héréditaire n'avait jamais abandonnée, proposa un pari. Celui, dit-il, qui ne pourra pas faire ce qu'aura fait l'autre, abandonnera loyalement la lutte et se retirera. « J'accepte. » répondit Pontaut-Choux. Et tous deux cherchèrent dans leur imagination surexcitée par le désir de la victoire une expérience qui mit fin à une rivalité sans issue. Oscar trouva le premier. Avisant une vieille dame bossue vouée à faire tapisserie, il l'invita à polquer et exécuta avec elle cette danse polonaise au rire difficilement contenu de la galerie à qui la bonne Flanquin ne cessait de répéter « Mesdames, messieurs, de grâce !» « Ce brave monsieur s'est dévoué, ne raillez pas sa belle action !» Et le galant cavalier voltigeait, faisait des grâces et adressait des sourires à sa dame ravie d'une bonne fortune qu'elle croyait fermement ne jamais retrouver. Si elle avait su qu'il y avait un pari engagé, elle ne se serait pas dit cela. Oscar l'avait reconduite à sa place et regardait Pontaut-Choux d'un air narquois qui semblait dire « Fais-en autant, si tu l'oses !» Il osa, et résolument il invita la vieille dame pour la valse dont le prélude se faisait entendre. Mise en goût par la polka, elle ne se fit pas prier, et exténua son cavalier, qui, observé par son rival devenu inquiet, n'osait pas demander grâce, et ne s'arrêta qu'au dernier accord du piano. Il n'y avait encore rien de fait. Qu'imaginer ? Oscar eut une idée triomphante. Danseur et pianiste prenaient un quart d'heure de repos. Il offrit à la société de faire un concours dans le genre de celui de la belle Hélène. Des bravos unanimes accueillirent cette proposition. « Moi, je suis prêt, » ajouta-t-il, « mais pour qu'il y ait concours, il faut être au moins deux. » Et désignant Pontaut-Choux, « Monsieur, voudrait-il être mon concurrent ? » demanda-t-il, et il se disait à part, « Te voilà collé, mon gaillard !» Eh bien non, Pontaut-Choux accepta, et le concours fut ouvert au frémissement joyeux de l'auditoire. On commença par les bons rimés. Les deux rivaux s'en tirèrent à succès égal. « Nous allons passer aux charades, » dit alors Oscar. « L'un composera, l'autre devinera. Acceptez-vous, monsieur ?»« Parfaitement, monsieur. » On tira qui commencerait. Ce fut Pontaut-Choux que le sort désigna. Il médita quelques instants, puis dit « Voilà, mon premier est un oiseau bavard, mon deuxième est un animal carnassier, et mon tout rend les collégiens malades. » Tous les assistants se mirent instinctivement à chercher le mot, et on entendait le murmure des bouches répétant la charade. Pontaut-Choux regardait d'un air ironique Oscar plongé dans ses réflexions et commençait à se dire, avec la galerie, « Il ne trouvera pas !» Mais Oscar, levant tout à coup la tête, s'écria, « J'ai trouvé !» Un grand silence se fit. « Mon premier, dit Oscar, est un oiseau bavard, pis !» Tout le monde l'ayant trouvé, ceci n'eut aucun succès. Oscar continua, « Mon deuxième est un animal carnassier. » Panthère. Mon tout rend les collégiens malades, pi panthère. Ah, pi panthère! Et des bravos chaleureux saluèrent le triomphateur. Pontaut-Choux était atterré. À vous à deviner, monsieur, dit alors Oscar, et il posa la charade suivante. Mon premier n'est rien du tout, Ah, il sera difficile à trouver ce mot-là, dit tout le monde en riant. Oscar continua. Mon deuxième est un article de bureau et mon tout sert en temps de carnaval. Si tu devines celle-là, pensa Oscar, et ici encore, toutes les têtes de méditer, toutes les lèvres de murmurer. Quant au chou, l'esprit à la torture, la face apoplectique, ne trouvait pas. Enfin, il s'écria « Je l'ai !» à la grande stupéfaction d'Oscar. « Ah !» fit la galerie frémissante. Pontochou continua. « Mon premier n'est rien du tout néant. Mon second est un article de bureau, carton. Mon tout sert, en temps de carnaval, néant carton. » Un éclat de rire accompagné de battements de mains frénétiques salua la trouvaille. Oscar, nerveux, agacé de ne pouvoir emporter un seul avantage, se décide à frapper un coup définitif. S'adressant à Pontochou, dont les regards le narguaient, « Je parie, lui dit-il, que vous ne ferez pas ce que je vais faire. Je tiens, répondit Pontochou. « Et moi, je te tiens, pensa Oscar, et la galerie, anxieuse, de se demander « Que va-t-il faire ?» Voici ce qu'il fit. Il mit sa main sur le sommet de sa tête, y saisit une poignée de ses magnifiques cheveux blonds, à l'existence desquels il avait toujours laissé croire, et découvrit son crâne poli comme un œuf d'autruche. Il portait perruque. « Faites-en autant, » dit-il à Pontochou. « On juge de l'effet produit sur la société. » Tous les visages se tournèrent vers Pontochou, dont la stupéfaction était complète. Il ne s'attendait pas à cela. « Eh bien, voyons, monsieur, » dit Oscar, « faites-en autant, ou déclarez-vous vaincu ?»« Vaincu, moi ?» hurla Pontochou. « Jamais !» Et dans un mouvement de rage, il retira également une perruque que personne ne soupçonnait. Les rires redoublèrent avec une nouvelle intensité. On se tordait, et les visages ahuris des deux malheureux rivaux ne contribuaient pas pour peu à cette gaieté frénétique. Puis, tout le monde frappé de la même idée, la société s'écria en chœur « Ah ! C'était la surprise !» On se rappelle que la maîtresse de la maison avait promis une surprise à ses invités. Voyons qu'on se méprenait. « Non, mesdames, non, messieurs, » dit-elle, « ce n'est pas la surprise que je vous ménageais. Le moment est venu de vous la faire. » Prenant alors par la main le capitaine Brabançon, « Je vous présente mon mari, » dit-elle. Ce dénouement, après tant d'efforts et la révélation de sa calvitie, corrigea-t-elle Oscar de son habitude. « Il n'aurait pas fallu lui dire non. Il vous eût parié qu'il ne pariera plus jamais. » C'était Oscar le parieur, par Jules Moineau.